Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est enfin samedi et c'est l'heure du disco et du funk. Et c'est en plus le dernier samedi du mois, donc c'est le moment de la saga. Aujourd'hui, SOS Band ou Sound of Success. Alors, c'est un groupe qui est né à Atlanta, en Georgie, aux États-Unis bien sûr. SOS Band, il est composé à l'origine par Mary Davis au chant, Billy Ellis au saxophone, Jason Bryan au clavier et James Jones III à la batterie. Le groupe a fait un tabac avec le single Take Your Time. Au commencement, The SOS Band est appelé Santa Monica et se produit dans un nightclub appelé Regal Room. Peu de temps après, Santa Monica s'étoffe de nouveaux membres, à savoir Willie Sonny Kilbury au saxophone, Bruno Spetch à la guitare et John Simpson à la basse. C'est ainsi que le groupe signe son premier contrat auprès d'un label indépendant, Taboo Records. La formation collabore avec un auteur-compositeur nommé Sijidi Abdullah qui leur propose de trouver un autre nom. Ils trouvaient que ça sonnait pas trop, Santa Monica, ça fait un peu club de sport. C'est ainsi que Santa Monica se rebaptise The SOS Band. En 1980, SOS Band sort son premier titre, Take Your Time. Et c'est un hit absolu. En effet, Take Your Time se place à la première place du hit R&B et troisième au pop chart. Let's go. Quel titre ! Dans la foulée, la chanson est certifiée disque de platine avec 2 millions d'exemplaires vendus. Ce titre sera suivi peu de temps après par l'album SOS qui comprend 8 titres et il va s'écouler à 800 000 exemplaires. Un an plus tard, SOS Band va sortir un nouvel album intitulé Two avec des titres tels que It's a Long Way to the Top, There's No Limit ou encore Stay. Avec quand même moins de succès que le précédent, tout se classe tout de même 30e place des albums R&B. Reconnu There Is No Limit, bien sûr. À la fin de la tournée promotionnelle de l'album, The SOS Band retourne en studio avec le tandem Jimmy Jan et Terry Lewis. Ce dernier est un duo gagnant de producteurs qui a collaboré avec divers artistes comme Eric Bennett, Chaka Khan ou alors Janet Jackson. Ainsi, le titre High Hopes, extrait de l'album SOS Band 3, se positionne à la 25e place du classement R&B. En 1983, le groupe revient en force avec le titre Just Be Good To Me, qui ne tarde pas à se placer en seconde position du classement et troisième au Dance Chart. La chanson obtient un grand succès tel que divers artistes comme Mariah Carey par exemple n'hésiteront pas à la reprendre. De plus, Just Be Good To Me figure dans la playlist de la station virtuelle The Vibe du jeu vidéo GTA 4. Après le succès du single, vient celui de l'album On The Rise, du label Epic Records, avec 8 titres. Par ailleurs, On The Rise est certifié disque d'or avec une 7ème place au classement des meilleures ventes d'albums R&B. À côté de leurs albums, The SOS Band collabore avec Eddie Kendricks du groupe The Temptation sur la chanson de ce dernier Just The Way You Like It. L'année 1984 va marquer la sortie de l'album Just The Way You Like It, qui sera suivi de Sound of Time en 1986. Les titres Even When You Sleep Is The Finest rencontrent le même succès que les titres précédents. Néanmoins, cet album va marquer la dernière collaboration de la chanteuse Mary Davis, qui préfère s'envoler vers de nouveaux horizons. Nous sommes en 1987. The finest. As life goes on, you learn to hold on. You learn to appreciate the finer things in life. The finest. J'aime beaucoup ce titre. Alors, on va continuer. Faisant face au départ de Mary Davis, The SOS Band recrute une nouvelle chanteuse en la personne de Chandra Curley. Ainsi, le groupe sort son 7e album, intitulé Diamonds in the Row, en 1989, qui sera suivi de One of Many Nights. Entre-temps, la carrière solo de Mary Davis décolle péniblement, à tel point qu'en 1994, celle-ci décide de réintégrer le groupe. Ainsi, Chandra Curley, de son côté, ajoute une corde à son arc en devenant actrice et joue principalement au théâtre. L'un s'en va, l'autre arrive. It's all yours. Have a good time. En 2004, The SOS Band sort sa troisième compilation intitulée The Greatest Hit. Actuellement, le groupe continue toujours de se produire sur scène, il faut le savoir. Alors, on va se quitter sur High Hopes et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à samedi prochain. Bye bye.